Le Crunch de Syracuse, filiale du Lightning de Tampa Bay, sont au cinquième rang de leur division, juste derrière le Rocket de Laval, filiale du Canadien. Et évidemment, on a un gars de Normandin qui est coach adjoint. C'est Gilles Bouchard, ancien entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda. On lui parle. Salut Gilles! Bien, salut! Gilles, est-ce que ça va en début de saison? Est-ce que ça va quand même comme vous vouliez du côté du Crunch? Ben écoute, on a un meilleur début de saison que les deux dernières années, là. Fait que okay. Oui, on est pas premier dans notre division, sauf que l'année est jeune encore. Puis écoute, on a quand même joué des bons matchs. Il y a en fin de semaine, on avait un 3-3. Donc on est allé chercher 4 points sur 6. Et hier, je te dirais que c'est plus notre deuxième période qui nous a fait mal, mais dans l'ensemble, les gars font des bonnes choses, puis les gars progressent, l'équipe progresse, fait que c'est ça qui est plus important pour le moment, là. OK. Dis-moi, 3-3, c'est pas facile, hein? C'est toute qu'une fin de semaine, hein? Ouais, on avait deux matchs à Syracuse, vendredi, samedi. OK. Puis après le match de samedi soir, on a parti vers 10h30 pour aller jouer contre Hershey. OK. On le voit à Hershey à 5h hier, on est revenu à minuit hier soir, fait que... C'est sûr, c'est des fins de semaine un petit exigeant pour les joueurs, mais ça fait partie du processus. Dans le junior, vous le faites aussi. Est-ce que c'est plus difficile ou c'est comparable du 3-3 dans le junior ou dans la ligue américaine? Il y a moins de voyagement. Ben nous autres, c'est moins de voyagement un petit peu ici, là, ça c'est sûr. Là, mais des 3-3, ça reste que c'est exigeant pour les joueurs, puis que ce soit dans la Ligue de hockey du Québec ou dans la Ligue américaine, là, c'est certain que le pays de la Ligue américaine est exigeant. C'est une ligue qui est très physique, qui joue vite. Fait que c'est certain que. Sauf que les gars, c'est des pros. Font attention aux autres, puis ils se préparent tous les matchs. OK. Si on parlait un peu du côté de toi, comment tu trouves ta progression? Encore, c'est ta deuxième année. J'imagine que l'adaptation est faite là maintenant, à Syracuse. Bon, oui, écoute, ça va quand même assez bien. Cette année, j'ai aidé, tu sais, dans le passé, je m'occupais des attaquants, puis l'avantage numérique. Cette année, j'ai encore l'avantage numérique, mais en plus, c'est moi qui est en charge des défenseurs. Fait que c'est un nouveau défi. Nouveau défi pour moi. Ça, c'est parce qu'Éric Veilleux, parce que là, vous avez un autre Québécois, Éric Veilleux, qui s'est joint à l'équipe. Oui, c'est parce que l'autre adjoint qui s'occupait des défenseurs l'an passé, il a quitté pendant l'été. Fait que c'est pour ça que j'ai tombé en charge des défenseurs. Fait que c'est un nouveau défi pour moi, là, puis je m'ajuste là, progressivement dans ce rôle-là. Là. OK. Gilles, si on parlait un peu des Québécois qui sont là, Alex Barré, évidemment, c'est le joueur que tout le monde connaît, Alex Barré-Boulet. On dit qu'il est très prêt pour monter. Est-ce qu'il est prêt pour la Ligue nationale, lui? Ben écoute, tu sais, c'est un long processus. Il y en a des fois qui montent plus vite que d'autres. C'est un excellent joueur d'hockey, recrue de l'année l'an passé. Ouais. C'est certain que cette année, il peut être un candidat pour être un call-up là avec Tampa Bay. Mais écoute, les choses changent vite hein, dans l'hockey. Fait que si on se parle aujourd'hui, dans 10 matchs, il est peut-être trop que nous autres, puis parce qu'il va avoir eu deux bonnes semaines ou quoi que ce soit. Fait que les choses vont vite. On a plusieurs candidats qui peuvent être call-up. Ça fait partie de la game. Mais Alexandre, c'est un excellent joueur d'hockey, ça c'est sûr. Certains qu'il va cogner à la porte très bientôt. Là. Danick Martel? Danick, lui, il est redescendu avec nous autres cette année. OK. Il était avec Tempo l'an passé toute la saison. Fait que c'est un joueur qui est différent de Barré-Poulin. C'est un gars qui a beaucoup de vitesse, qui amène beaucoup d'énergie à l'équipe. Fait que lui, c'est certain que les autres, ils connaissent bien. Puis, tu sais, là, présentement, son mindset est vraiment de bien performer avec nous autres ici. Puis, c'est certain que ce qu'il veut, lui, ici, c'est de retourner en haut là, le plus rapidement possible. Vous avez une job de psychologue à faire, hein? Surtout un gars comme Danick Martel. Je pense l'exemple de Charles Hudon avec le Rocket de Laval. C'est des gars qui doivent. Tu sais que Hudon, ça fait 2 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Martel a passé l'année passée aussi. Quand il redescend en bas, est-ce que vous avez une job de psychologue à faire? Puisque le joueur. Non, doit... ben, c'est beaucoup de rencontres individuelles. Benoît et Ben, ils rencontrent des joueurs quand même tous les jours. Puis, c'est pour être sûr qu'ils vont avoir l'esprit à bonne place, le mindset à bonne place. Puis, quand t'es dans la ligne américaine, t'es dans la ligne américaine. Faut ton esprit, faut que ta concentration soit à la bonne place. Puis maintenant, ben, c'est à eux de se reprendre en main, de travailler fort, puis de jouer dans leur force pour retourner en haut là, au courant de la saison. Là. J'ai vu Zachary Foucalé rendu avec vous autres aussi, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. On a un rappel parce que Tampa Bay sont partis pour la Suède. OK. Jouer deux matchs contre Buffalo. Ouais. Puis, c'est ça, là. Il y a un jour qu'ils ont encore un autre gardien de but. Fait que c'est pour ça qu'on l'a rappelé de la East Coast, là, hier. Fait qu'il va être avec nous autres aujourd'hui et toute la semaine, non? OK. Donc, dis-moi, j'imagine. Ouais. Il arrive-tu dans une belle. Dans un bel état d'esprit, dans son cas? Bon, ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Il y a une attitude exemplaire, là. Moi, je l'ai rencontré au camp, là. Puis. C'est un petit gars qui est tout le temps de bonne humeur. Puis, ouais. Il amène une belle énergie tout le temps. Fait que je suis pas inquiète. Là, je l'ai pas vu aujourd'hui encore là, parce que les gars ont congé, mais demain il va être là. Fait que, un gars comme, que, comme Jordan Binnington, qui a été, je crois, il y a 25-26 ans dans la Ligue américaine. Et l'année passée, il a été dominant. Puis c'était un des rouages importants de la Coupe des Blues. Ça doit me motiver à ficaler. Oui, ça c'est sûr et certain. Ça prouve encore une fois que c'est... Il n'y a jamais rien de fini, hein? Ouais. C'est comme je t'ai dit tantôt, tout peut changer très rapidement. T'es dans la Ligue américaine, puis t'es callé up, puis tu peux avoir du succès en haut, puis arriver, puis ça donne de ton équipe performer en série, tu gagnes la Coupe Stanley. Fait que. Ouais. Tu sais, c'est ça, le, quand on dit que le hockey, c'est du timing, c'est exactement ça, là. Et c'est la confiance aussi que les entraîneurs peuvent donner aux joueurs aussi, là. Oui, en plein ça. Ouais, c'est la confiance, puis ça, c'est bien important. OK. Ben, Gilles, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va se reparler au moins une fois d'ici la fin de l'année pour parler un peu de la saison du Grand Jersey Regios. Bon, il n'y a pas de trouble, ça fait plaisir. L'instructeur adjoint natif de Normandin, Gilles Bouchard.